Long Zero. And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. Comme chaque semaine, nous allons écouter des musiques de films, des chansons de films, des bandes annonces. On va parler d'un film en particulier et même de plusieurs films cette semaine. Bref, nous allons écouter le cinéma comme rarement on le fait et surtout pas à la radio. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur internet toilesetsillons.fr pour télécharger l'émission, l'écouter en streaming ou bien encore vous abonner au podcast. Comme ça, vous la recevez directement chaque semaine, toilesetsillons.fr. Il y a aussi la page Facebook de l'émission qui s'appelle Toiles et Sillons. On commence comme d'habitude en chanson avec les Blues Brothers. C'est Everybody Needs Somebody to Love. Remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, Les Blues Brothers d'Antoine Zessillon avec Everybody Needs Somebody to Love, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet de ce Toile Zessillon avec un film du début des années 70 de Christian Jacques, Les Pétroleuses. On va écouter la bande-annonce du film et puis un extrait de la musique juste après. La bande originale était signée Francis Lay. Pam, pam, pam, pam. Bientôt, un western. Un vrai, avec des chevauchées, un saloon, des bagarres, et l'attaque du train, par une bande de méchants, sous la conduite de leur chef, le célèbre... Face à ces hors-la-loi, quatre gentlemen, beaux, racés, intelligents, obéissant aveuglément à leur chef bien-aimé, j'ai nommé ces deux bandes rivales, luttent sans merci pour la conquête d'un trésor caché. Vous ne manquerez pas cette sauvage aventure quand vous saurez que ces deux chefs sont... Vous avez une spécialité? Oui. Les dingues. Un film de Christian Jacques. Thank you. Blake Edwards, 1968, avec son acteur fétiche Peter Sellers. C'était La Partie. Vous vous souvenez peut-être de ce film complètement délirant. On en a entendu un extrait de la bande originale. C'était Nothing to Lose, chanté par Claudine Longet. On va tout de suite, dans Toiles et Sillons, aller dans un univers un petit peu plus sulfureux, celui de Basic Instinct. Si je vous dis Catherine Tramell, vous me dites tout de suite Sharon Stone, bien sûr. On va écouter la bande-annonce de Basic Instinct, et puis juste après le main title, le titre principal de la musique du film Basic Instinct, signé Jerry Goldsmith. We got 31 stab wounds. What was it? Ice pick. Speak to Miss Catherine Tramell, please. Is she a suspect? She's a suspect. I wanted to write a book about the murder of a retired rock and roll star. You know how she does the boyfriend? With an ice pick. She intended the book to be her alibi. I picked him up, then I had sex with him. You didn't feel anything for him, you just had sex with him for your book. In the beginning. Then I got to like what he did for me. You like playing games, don't you? It's nice. You've got no physical evidence. She's lying. What's your new book about? A detective. He falls for the wrong woman. What happens? She kills him. Stay away from her! You are out of control, Curran. You won't learn anything I don't want you to know. She knew I'd say she did it, and she knew that nobody would buy it. She is screwing with your head, Nick! She knows things about me that I only told you. How does it feel to kill someone? You tell me. Close to the flame. Nicky liked it. You're in over your head. She seduces people. It was internal affairs, wasn't it? She manipulates people. Freeze! How much did she pay you? You better play it! Come on! She knows where I live. Games are over, Nick. Basic Instinct is a smashing psychological shocker. You like playing games, don't you? It's nice. Not since Fatal Attraction has there been such an electrifying thriller. You're in over your head. Michael Douglas is terrific. But I'm nearly anyway. And Rolling Stone calls it one charged-up erotic thriller. Freeze! Basic Instinct, rated R. Un petit détour du côté de la Nouvelle Vague avec un extrait de la bande originale de Baiser volé de François Truffaut. Il s'agissait du thème Antoine, signé Antoine Duhamel. Geneviève Emery et sa mère tiennent à Cherbourg un magasin de parapluies. Geneviève est amoureuse du jeune mécanicien Guy, appelé sous les drapeaux en pleine guerre d'Algérie. Guy entraîne Geneviève dans sa chambre la veille de son départ. Madame Emery a des difficultés avec son magasin. Un jour où elle se résigne à vendre un collier pour payer une traite, elle fait la connaissance d'un jeune diamantaire, Roland Cassard, qui aussitôt s'intéresse à Geneviève. Celle-ci veut rester fidèle à Guy dont elle attend un enfant. Mais le jeune soldat n'écrit guère et de guerre lasse, Geneviève épouse Roland. Lorsque Guy revient, il ne trouve plus personne à Cherbourg et la tante qui l'a élevée est mourante. Abandonné de Geneviève, il se laisse aller, perd son travail, traîne dans les endroits mal famés. Mais Madeleine, qui l'aime depuis toujours, l'aide à remonter la pente et l'épouse. 4 ans plus tard, il voit passer par hasard à la station-service dont il est propriétaire, Geneviève avec leur fille. L'ancien amour n'est pas tout à fait mort, mais avec Madeleine et leur enfant, Guy est désormais heureux. Vous aurez certainement reconnu La belle histoire des parapluies de Cherbourg, un film de Jacques Demy qui date de 1963 avec Catherine Deneuve bien sûr et avec Daniel Darieux, un film tout en chansons magnifié par la musique de Michel Legrand. Il y aura très bientôt à la Cinémathèque française à Paris une exposition Jacques Demy et puis une rétrospective de tous les films de Jacques Demy. Tous les films de Jacques Demy qui existe en DVD. Le coffret Jacques Demy, sorti en 2008, reprend tous les films de Jaco de Nantes, comme l'appelait sa femme Agnès Varda. Je vous propose, avant d'écouter un extrait de la bande originale des Parapluies de Cherbourg, de retrouver la bande-annonce du coffret DVD de Jacques Demy. Vous allez vous plonger dans tout l'univers de Jacques Demy. Aimer la terre pour être heureux. Ah, c'est drôle. Non, c'est drôle, vraiment. Qu'est-ce qui est drôle? Enfin non, c'est pas si drôle que ça. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que la vie a des choses. Enfin, des trucs, des bizarreries. Solange, la clé de sol et l'envol des anges. Un premier amour, c'est tellement fort. Avec l'âge, comme dit la biche. On voudrait coucher avec vous. Quoi ? Mais qu'allons-nous faire de tous ces plaisirs ? Il y en a tant sur terre. Sa figure est plaisante. Il s'exprime avec aisance. Oh, elle est folante. Je crois toujours à la petite souris. Ah oui, la petite souris, le Père Noël, tout ça, ça marche. une apparition. Les mille et une nuits. Tu chantes l'amour. Le cherches-tu? Évidemment, je le cherche. Comme tout le monde. Alors continue ton chemin. Oui, sinon. Qu'à toi. Reste, ne pars pas, je t'en supplie. It's wonderful to see you here. Les larmes abîment et creusent le visage. Et je n'aime pas beaucoup toutes tes allées et venues en prenant des airs mystérieux. Pas besoin de ta pitié, je ne mérite rien. Et moi, qu'est-ce que je représente pour toi? L'étranger. L'étranger? C'est vous, Andy? Ouais, c'est moi. Où avez-vous trouvé cette partition? Dans la rue. Je l'ai cherchée partout. Moi aussi, je vous ai cherché partout. On sait ce que c'est. On part pour Marseille, on se retrouve en Argentine. Ah, c'est drôle. C'est exactement ce que j'ai dit. Quelque chose qui me bouleverse. Il y a aussi quelque chose de familier. Comme tu es beau, comme tu es belle, j'aime la douceur de ta peau. J'aime la douceur de ton regard. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle François. Prenez dans ce couteau. Vous allez, cher subtil, découper le gâteau. 1, 2, 3, 4. Tennis, golf, équitation, n'importe quoi. C'est une splendeur. Mon pied est la dernière du zèbre. Dis, Marco, tu fais la gueule? Vous n'êtes pas très galant avec vos dames. C'est moi. C'est Lola. We'll be right back. Nous avons entendu Daniel Licari et José Bartel qui chantaient les voix des parapluies de Cherbourg, la chanson La Gare, le thème le plus connu des parapluies de Cherbourg, signé bien sûr Michel Legrand. Et à l'instant, musique intemporelle, elle aussi celle de Nino Rota pour le film 8 et demi de Federico Fellini, Otto e mezzo. Je vous propose maintenant d'aller dans l'angoisse. Les gens ne se sont plus jamais baignés de la même manière après ce film de Steven Spielberg, premier blockbuster de l'histoire du cinéma américain, Les Dents de la Mer. C'était dans les années 70. On va entendre la bande-annonce qui va vous faire frissonner. Et juste après, le fameux thème des Dents de la Mer, signé bien sûr John Williams. Arrêtez de vous branler, monsieur Hooper. Réduisez, voulez-vous ? Faites ce qu'il vous dit, réduisez. Réduisez. Moi aussi, je peux réduire qu'il vienne lui aussi tripatouiller cette chiasse. Thank you. Des univers différents chaque semaine dans Toiles et Sillons. La preuve avec, à l'instant, Avatar, musique de James Horner du film de James Cameron, Becoming One of the People, c'est le morceau qu'on a écouté. Et juste avant, c'était le jazzman Norman Brown avec Stevie Wonder pour la reprise d'un titre de Stevie Wonder, Too High, qui avait servi au film avec Wesley Snipes, Passager 57. Nous voici arrivés à la fin de ce Toiles et Sillons. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de l'émission qui elle-même écoute le cinéma. On va se retrouver très vite pour un nouveau numéro. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'émission sur internet sur toilesetsillons.fr. Vous pourrez vous abonner au podcast, télécharger l'émission ou bien encore l'écouter directement en streaming. Toutes les archives, toutes les émissions de Toiles et Sillons sont sur toilesetsillons.fr. Il y a aussi la page Facebook de l'émission pour tout savoir des films dont nous avons parlé et que nous avons écoutés. On se quitte avec un extrait de la bande originale de Bridget Jones, L'âge de raison. Il s'agissait de Barry White avec son tube You're the first, the last, my everything. À très bientôt. Salut. Jardin, the artist.